Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end. C'est le jour, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. On est très heureux ce soir de vous accueillir. C'est vrai que vous avez dû passer une belle journée puisque la pluie, eh bien, c'était cette nuit et il a fait une belle journée aujourd'hui. Avec moi pour démarrer, il oublie, il n'est pas là, on va le retrouver. C'est Jean-Yves dans quelques minutes au téléphone et il nous parlera bien sûr du rugby à 13. Mais il y a beaucoup du monde ce soir avec moi. Priorité à ceux qui sont là avec le directeur d'antenne François qui est à nos côtés de Top Chrono pour du sport. Bonsoir François. Salut Fred, salut l'équipe des sports et puis salut à nos auditeurs qui nous écoutent pour ce 1er mai. Oui, c'était la fête du muguet, il y en a qui ont dû être gâtés, on va voir si c'est bien vrai. Avec nous, il y a Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Fred, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Tu as eu ton petit brin ? Bien sûr. Ben oui, voilà. D'ailleurs, les dames ont été gâtées tout au long de cette journée et nous on va essayer bien sûr avec le sport de vous gâter encore plus en ce jour férié. Avec nous Didier Bougon. Bonsoir Didier. Salut, salut à tous et à toutes. C'était la course du 1er mai ? C'était la course du 1er mai. Est-ce que le muguet a été à la hauteur ? Je pense que ça a été à la hauteur. Ouais. On va essayer d'avoir l'organisateur tout à l'heure. On va aller. Qu'est-ce que tu nous as ramené ? Personne ce soir ? Non, puisque notre cher ami n'a pas pu venir. C'est notre ami du groupe au niveau des enfants, enfin tout ce qui est public handicapé au niveau du sport. Elle était absente aujourd'hui. Donc Florence m'a donné un autre rendez-vous et ça sera avec surprise puisqu'elle est devenue comme la présidente de ce comité au niveau des gens du handicap, au niveau du Vaucluse. Donc il y a de belles choses à voir au niveau de ce qu'elle va nous présenter. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour elle, c'était la famille. Eh bien écoute, on passera une légère pause musicale dans cette émission, c'est très rare. Mais des fois, ça fait du bien un petit peu d'avoir une pause musicale. Et on essaiera bien sûr d'avoir quelqu'un au téléphone pour terminer cette émission. Mais avec nous, il est là ce soir, Henri, Monsieur Foot, suite à cette belle victoire en Ligue 1 de Nice face aux Parisiens, au Paris Saint-Germain, qui va sûrement être pas champion cette année. Bonsoir, comment tu vas ? Bonsoir Fred, je vais très bien. Tu bonsoir vois, je à l'équipe peu, hein. Auditeurs, oui, tout à fait. Bon, parfait, l'équipe est au grand complet. Eh bien écoutez, c'est l'heure, puisqu'on retrouvera Marie tout à l'heure aux alentours de 19h15 avec Focus. Eh bien, voici le sommaire. En handball ce soir, en National 3 et en pré-national, bien sûr, Mazan qui court vers la qualification. Beau résultat hier soir. Nous aurons Carl Vincent dans quelques secondes avec nous pour parler de ce beau match, cette belle victoire. Parce que pour moi, c'est une victoire. C'est un match nul, mais il va compter dans le classement final. Sorgue jouait en pré-national hier soir face à Gardanne. Eh bien, elles ont gagné. Nous écouterons Coralie et Hervé, l'entraîneur, qui est très heureux d'avoir assuré le maintien en pré-national féminine. C'était du handball au féminin. Rugby à 13, le tout avec Jean-Yves dans quelques minutes. Le super week-end qui arrive au Parc des Sports. Il va tout nous dire, le programme et ce qui nous attend sur les ondes de Fly FM. En rugby à 15, en Fédéral le 2, Château-Renard est en route pour les huitièmes de finale. Mais on reviendra sur ce match face à Bonne. Ils ont gagné de la tête et des épaules. En motoball, les Jaguars ont fait le job aux confines face à Olgat. Dans quelques minutes, Alain Lempereur reviendra sur cette belle victoire suite, on sait, à ce match qui avait été arrêté le week-end dernier du côté de Vaugecourt. En football, c'est Monsieur Henri dans quelques minutes, bien sûr. Et en athlétisme, à toute vitesse, avec Bibi Bougon. Et puis après, on retrouvera bien sûr Marie avec Horizon. Vous allez avoir de quoi vous préparer pour un week-end des plus somptueux, puisqu'elle a toujours des choses très intéressantes dans son petit agenda. On est parti. Top Chrono, handball. Allez, handball, on va revenir pour l'après-national. Et juste après, on appellera Carl Vinsono à cette belle soirée à Sorgue, d'où je me suis déplacé parce que c'était avec cette équipe de Sorgue recevait Gardanne. Elle devait, ses filles, gagner. Première victoire pour l'Olympique Club de Sorgue. La première des choses, il fallait gagner face à cette équipe de Gardanne. Ils l'ont fait 31 à 28. Rien n'a été facile dans cette partie. Mais les filles de Hervé ont fait le job. Et je vous propose d'écouter une qui est, on va dire, une artisante de cette belle victoire, Coralie. C'est autre chose, mais bon, vous avez assuré le maintien déjà depuis plusieurs semaines. C'est ça, un bon championnat avec des équipes plutôt pas mal, donc on essaye de faire comme on peut, avec des blessures, notamment moi qui reviens de blessure là. Donc bon, on fait avec et on continue comme ça. Il nous reste encore trois matchs, donc trois matchs assurés et sur le maintien, il est assuré, donc c'est cool. Tu es contente de notre assurance ? Oui, c'est cool, il y a une bonne ambiance et tout. J'entraîne les petits à côté, donc ça va, je m'amuse bien. Tu penses que l'année prochaine, parce que bon, il y a ce derby qui arrive, avant de parler de l'année prochaine, il y a le derby face à Monteux. Tu es motivé là ? Toujours motivé pour n'importe quel match, pour tous les gagner, n'importe quel adversaire, c'est pas grave. L'équipe est meilleure cette année par rapport à l'année dernière ? Notre équipe, oui, vrai, ben, on est beaucoup de jeunes, donc ça, il y a de l'homogénéité, donc c'est cool. Il y a des rapides, des vieilles encore, mais on les supporte, donc on les garde avec nous. Ils nous apportent l'expérience. L'année prochaine, tu seras sur Sorgue ? Toujours, peut-être encore un an, on verra. On verra la suite, ce qui se passe, et normalement, oui, il n'y a pas de raison. Quoi, tu aimerais jouer à l'étage supérieur ? À N3, oui, pourquoi pas. Après, il y a les études avant tout, j'entraîne les petits, donc bon, il faut peser le pour et le contre. Voilà Coralie Carillon qui a été l'une des artisantes de cette belle victoire. Ça fait déjà plusieurs années que le joue à Sorgue, elle aussi. Elle aimerait goûter à la Nationale 3. Henri, quand on dit les vieux, les vieilles, t'as dit, il y a beaucoup de jeunes, on a enlevé un petit peu les vieilles. C'est difficile des fois d'entendre ça, non ? Oh, oui, c'est difficile, surtout pour ceux qui sont considérés vieux. Ah, c'était merveilleux. Par contre, l'entraîneur, quand même, qui est très heureux quand même, d'avoir assuré le maintien et d'être en pré-national, parce que Sorgue a souvent ripé dans cette pré-national. Et bien, cette année, ils y sont. Et ils vont y rester. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique Sorgue, Hervé. Hervé, la pré-nationale, on va dire que c'est acquis. Une belle victoire face à Gardanne, parce que ça aussi, ce soir, un match compliqué, mais vous avez su gagner. Bah, sauf alignement des astres complètement défavorable. Normalement, on a assuré le maintien en PN pour cette saison, ce qui était l'objectif. Ce qui a été une saison très difficile. Je suis content qu'elles le fassent sur sans doute leur match le plus abouti de la saison. Au niveau courage et investissement, il n'y a pas grand-chose à acheter à part 10 minutes de flottement en première mi-temps. Donc oui, très content. Très content. Ouais, c'est vrai, je veux dire comment ça a évolué, parce que bon, il y avait peut-être aussi un réaménagement au niveau des filles, surtout au niveau de l'âge, quoi, pour certaines, quoi. Parce que la pré-nationale, ça va vite, hein, il faut avoir de la condition. Et je crois que tu as un groupe de filles qui est au top ce soir. Et il nous manque deux jeunes joueuses aussi, hein, de 18 et 19 ans, qui sont pas là, qui sont blessées actuellement. Donc ouais, il y a un gros renouvellement au niveau de l'équipe. Mais on voit ce soir qu'à un moment donné, quand il faut poser la main sur le ballon, quand il y a des ballons chauds, c'est bien aussi d'avoir les petites vieilles qui tiennent la baraque. Et puis au niveau état d'esprit, elles sont irréprochables. Elles ont vraiment poussé ce soir. Donc je les félicite. C'est un travail d'équipe, un vrai travail d'équipe ce soir. C'était le dernier match ou il nous reste un match encore ? Il nous reste trois matchs. Un derby au milieu ? Oui, Monteux. C'est pour quand ? C'est pour. On jouait hier la semaine prochaine, donc c'est le match d'après. Ouais, je pense qu'il va y avoir vraiment un derby qui va vraiment se jouer sur un Morinema. J'espère que ce sera un derby sans enjeu surtout. Merci. Voilà Hervé, bien sûr, on revient bien sûr sur cette rébille. Les Sorgue du Comtat qui ont gagné face à Bolène 35 à 26 aussi. Ils sont cinquièmes au classement de cette pré-nationale féminine. Et Sorgue Olympique est 9e sur 12. Ce qui leur permet bien sûr de voir la vie en rose, on va dire, pour cette fin de saison. Puisqu'il faut savoir qu'hier soir quand même deux jeunes joueuses des moins de 18 étaient alignées dans cette équipe de Sorgue. La fille Carillou, pardon de prononcer ce nom ainsi parce que son prénom je l'ai complètement oublié. Par contre, c'est une demoiselle qui est en devenir dans cette équipe de Sorgue. Peut-être on le verra beaucoup plus haut dans quelques temps. Est-ce que nous avons Carl Vinsono ? On n'a pas Carl Vinsono. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on va continuer tout doucement avec les résultats de la soirée. Voilà, ça va aller plus vite. On donne le petit papier, juste pour vous rappeler quand même qu'il y avait d'autres matchs qui se jouaient. Châteauneuf, les Martigues, handball, recevaient Port-de-Bouc, qui ont gagné 28 à 22. Miramas, handball, ouest, Atalante, Provence, et l'athlétisme club de La Ciotat ont fait match nul, 27 à 27. L'ASPTT Marseille a été défait chez lui par l'Olympique Grand Avignon, 29 à 28. Sorgue, on l'a dit, et les Sorgues du Comtat de même, tandis que Eger Club recevait l'Union Pays d'Aix Bouc-Bélair. Eh bien, ils ont été défaits 29 à 28. Voilà pour les résultats de cette pré-nationale. On va passer à la nationale 3. Dans quelques minutes, on va voir Carl Vinsono. Les résultats de la soirée en nationale 3 féminine. L'handball, plan de Cuc, a gagné. De quelle manière face à hier Olympic Sport, 40 à 30. L'US Cagnes handball a été défait dans sa salle par le Pays de Grâce à SPTT, 36 à 18. L'Étoile Beauvoisin a fait match nul face à Mazan-Ventoux. Conta, vous allez voir pourquoi ce match était très important pour les filles de Carl Vinsono, qu'on va avoir dans quelques minutes, parce que ce soir, elles ont 43 points, elles sont secondes au classement général, tandis que Clermont-Salagou a perdu dans sa salle face au leader incontesté Bourg-de-Péage, 26 à 23. Et Marseille-Nord a été défait dans sa salle par l'US Croix-Roise, 40 à 35. Je crois qu'on a Carl Vinsono au téléphone. Carl est toujours pas là. Carl, on y a laissé un petit message il y a quelques minutes. Il nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème. On va essayer de le rejoindre assez rapidement dans cette nationale 3, parce qu'on va en découdre un petit peu avec lui. On va retrouver bien sûr dans quelques minutes Jean-Yves. Peut-être on parlera avec lui de tout ce qui s'est passé hier soir. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette belle saison en handball féminin, où c'est que nos filles sont quand même diaboliques, non? Qu'est-ce qui s'en passe, Didier? Bah, tout à fait, hein. Je pense que aussi c'est tous ces résultats, c'est la leçon aussi du mérite et du travail qui a été fourni par Carl Vinsono et son équipe, et c'est, les filles sont dans un état de grâce. Maintenant, bon, c'est vrai que connaissant Carl et le handball féminin et même masculin, on sait que tout est très bien construit autour à la fois de ce club et aussi au sein du hand français. Et les résultats, tant mieux pour les filles, puisque connaissant Carl, comme je viens de te le dire, les ambitions sont là, les filles elles vont au charbon, et les résultats sont de plus en plus positifs, et tant mieux pour elles et tant mieux aussi pour le club, parce que on peut dire qu'ils se donnent à la fois les moyens, autant sur le plan sportif que sur le plan au niveau de l'organisation humaine qui est derrière ce club. Voilà, on n'a pas Carl Vinsono, c'est bien dommage, parce qu'il y a eu quelques secondes, il vient de m'envoyer un message, notre ami Carl Vinsono, l'entraîneur de ses filles de Mazan, pas de soucis, Fly FM bien sûr, on va essayer de savoir pourquoi on n'arrive pas à le joindre. Il y a quelques minutes, on va voir si on peut à nouveau avoir Carl Vinsono dans quelques minutes, ou sinon on va continuer Top Chrono, on reviendra avec Carl Vinsono en direct au téléphone. Ouais, voilà, on a Carl Vinsono. Bonsoir Carl. Bonsoir. Alors Carl, ce déplacement, Étoile Beauvallon, il fallait être fort pour aller là-bas, parce que c'était un petit peu le match piège, hein, puisque bon, il faut savoir quand même que Mazan est bien... vise, on va dire, cette qualification, hein, cette deuxième place, signe de qualification, et bien 26 à 26, un match, elles ont fait le job, mais ça a dû être compliqué, non? Ouais, ça a été très compliqué, mais ça fait deux matchs où c'est très compliqué. On ne peut pas dire qu'on produit un jeu extraordinaire en ce moment, depuis plan de Cuc, mais en tout cas, le cœur y est, ce qu'on peut dire. Donc, s'il n'y a pas la manière, il y a au moins l'investissement et le cœur. Et vous recevez samedi prochain plan de Cuc? On reçoit Clermont-Salagou la semaine prochaine. Ah oui, Clermont-Salagou. Clermont-Salagou. Là aussi, match très compliqué, là, hein, quoi. Ah ben, c'est en fait, voilà, on savait qu'on avait trois matchs où on jouait les trois équipes qui nous poursuivaient à un point. Ben voilà, même si on avait gagné le week-end dernier, ça a changé pas grand-chose. Il faut gagner ce week-end pour... pour stabiliser cette deuxième place de manière efficace et de pouvoir se tourner vers les barrages. Ouais, surtout que l'attention, clairement, Salagou a été défait par le leader chez lui hier soir, hein, face à Bourg-de-Péage. Mais bon, Bourg-de-Péage, c'était pour, on va dire, qu'eux ont prévu l'étage supérieur déjà, j'imagine. Ça y est, c'est fait, ouais. Ouais, alors bon, ils ont quand même défait Clermont-Salagou, qui va venir au Cossec de Mazan pour gagner, parce que eux, il leur faut une victoire s'ils veulent espérer pouvoir jouer ce barrage, quoi. C'est ça, pour eux il faut gagner, pour nous il faut gagner, voilà, c'est pas compliqué, hein. Ça sera un gros match samedi. Ouais, qu'est-ce qu'il est prévu pour ce match? Tu sais que Fly FM, c'est déjà ôté, hein. L'équipe des sports sera avec vous pour commenter ce match en direct, on va y revenir tout au long de cette semaine sur les ondes de Fly FM pour promouvoir ce match, hein, puisqu'on sera à vos côtés, parce que cette victoire on va compter. Hein, on bien, le sait. Tu n'as pas la pression, c'est bien, ça fait plaisir. On va tout faire pour qu'il y ait vraiment de la pression, pour faire comprendre que vous êtes à 43 points ce soir. Quand on regarde le classement général, clairement, Salagou qui va venir avec 41 points. Ils sont quatrième au co-ex-aequo avec Plan de Cuc. Ce qui veut dire qu'une victoire de ce Clermont Salagou au Cossec de Mazan mettrait un petit peu dans l'embarras les filles, quoi. On serait à égalité de points, mais au barrage particulier, elle passerait devant, puisqu'on a fait match nul là-bas. D'accord. Voilà, globalement, il n'y a pas 40 000 choses, il n'y a pas à réfléchir dedans, hein, faut gagner, et voilà, on va s'y atteler cette semaine, bah, les filles sont conscientes de l'enjeu. Ouais, est-ce que voilà, ça, des fois, l'enjeu ne tue pas le jeu? Est-ce que déjà, les IPA ne sont pas on déjà est à depuis... la maison aussi. Ouais, vous êtes à la maison, est-ce que les IPA ne sont pas depuis quelques temps, mais ils savent qu'il va y avoir un grand rendez-vous, quoi. Bien sûr, mais je pense que les productions des deux matchs étaient aussi liées à l'enjeu, des deux derniers matchs. Mais les équipes d'en face ont cette problématique-là aussi, donc voilà. Bon, on va discuter cette semaine, je pense qu'on va avoir, mardi, on va se voir un peu avant l'entraînement avec les filles pour discuter un peu, pour dédramatiser et... Juste que l'on va être en direct et en plus on essaiera par Facebook, comme on sait faire, de faire mettre le maximum d'auditeurs en notre écoute, hein, pour savoir un petit peu, parce que déjà, juste pour remettre encore une petite couche au niveau de la pression, avant de revenir sur cette partie, savoir un petit peu comment le groupe est. J'ai été samedi soir, à Sorgue pour voir Sorgue en pré-national gagner face à Martigues. Non, c'était Gardanne. Gardanne, oui, c'est juste à côté, mais alors je me trompe de ville en plus. Martigues. Eh bien, le problème, c'est que je leur ai dit qu'on serait en direct depuis le Cossec de Mazan, et ils m'ont demandé tout sur l'horaire pour écouter et savoir les résultats que fera Mazan face à Clermont-Salagou, puisqu'ils savent l'enjeu qu'il y aura à l'issue de ce match. Alors, c'est bien, on est content, mais ils viennent, hein, souvent quand ils n'ont pas de match, que ce soit l'entraîneur ou certaines joueuses viennent nous voir au match, hein, il y a une bonne ambiance, une bonne relation entre les deux structures. Bon, le groupe, le groupe, j'ai pas de blessé, donc je trouve Dubois, c'est bien. D'accord. Il est complet. T'as pas senti un petit peu une fatigue parce que le match est répétition? Non, il n'y a pas senti une fatigue au niveau des filles. Vous avez ces matchs à répétition, parce qu'on sait qu'il y a des blocs de matchs. Mais de toute façon, je leur avais dit, hein, quand on joue quelque chose, les saisons sont beaucoup plus longues que quand on joue rien. Parce que si on avait joué à main, si on avait été dans l'entre nous, on aurait pu relâcher déjà un petit peu. Et là, on ne peut pas la relâcher jusqu'au bout, et jusqu'au mois de juin, on n'a pas de moment où on va pouvoir relâcher, quoi. Je te garde 30 secondes. Physiquement et c'est long psychologiquement, parce que c'est des amatrices, elles ont une vie à côté aussi. Et il faut lier les deux, parfois c'est pas facile. Hein. Ouais, je te garde 30 secondes au téléphone, on passe à la pub et on revient de suite.